je vais m'en tenir à la définition de ce que c'est un génocide. Donc, lorsque vous prenez les statuts de Rome, notamment l'article 6, voilà ce qui est marqué. Au fin du présent statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque d'exact qui après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, meurtre de groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou menace des membres de ce groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'un enfant à un autre groupe. Donc voilà un peu ce qui en est. Afrique Média, le monde, c'est nous.